Selon Yonhap News de Corée du Sud, la délégation des citadins américains pour la paix contre la disposition de SAD a tenu le 25 juillet à Séoul une conférence de presse pour exiger de l'administration américaine et des autorités sud-coréennes de renoncer à la disposition de SAD en Corée du Sud et aux exercices militaires conjoints. On a donné lecture de la déclaration signée par plus de 80 formations et plus de 280 personnalités américaines. La déclaration a tenu que SAD disposé en Corée du Sud a pour objectif principal de surveiller le système de missiles chinois et souligner que pour la solution du problème nucléaire du Nord, les États-Unis doivent cesser les exercices militaires avec la Corée du Sud et la course aux armements au lieu de disposer SAD.